Aujourd'hui, il y a une nouvelle réforme de l'assurance chômage qui rentre en vigueur. Oui, elle a été un peu cachée par la réforme des retraites, mais elle rentre en vigueur aujourd'hui et concrètement, ça veut dire que la durée d'indemnisation du chômage va être réduite de 25%. Le gouvernement justifie ça en disant que ça incitera davantage les chômeurs à aller trouver du travail et qu'on arrivera comme ça au plein emploi en 2027. Mais concrètement, eh bien, pour un chômeur qui avait le droit à 12 mois de chômage, ça veut dire qu'il n'aura plus le droit qu'à 9 mois de chômage. Et un senior qui avait le droit à 36 mois de chômage n'aura plus le droit qu'à 27 mois. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je ressors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je dois vous parler de Gérard. Gérard Mandufric, c'est un de mes copains qui est souvent au chômage. C'est vrai qu'il enchaîne les petits jobs, il a du mal à garder toujours un emploi. Ce matin, quand j'étais au café, j'ai croisé Gérard, qui m'a dit qu'il venait d'être licencié. J'ai demandé comment ça se faisait. Il m'a dit qu'en fait, son problème, c'était d'être de nature joyeuse, de tout le temps siffloter. Et c'est vrai que son dernier job, c'était un job de croque-mort. Quoi qu'il en soit, j'ai donc croisé Gérard et il a perdu son boulot. Et pour lui, ça va vraiment une grosse incidence. Parce que aujourd'hui, eh bien, les droits au chômage ont été réduits de 25%. Et Gérard, qui avant aurait eu le droit à 12 mois, n'a plus le droit qu'à 9 mois de chômage. C'est un véritable problème. Alors, les syndicats étaient contre cette réforme. Mais enfin, tout le monde s'est aperçu que actuellement, le gouvernement a tendance à faire passer des lois et des réformes sans se soutien ni des syndicats, ni des parlementaires, ni de la rue. Donc, cette réforme, elle est passée avec comme objectif d'arriver au plein emploi en 2027. Alors, personnellement, je faisais remarquer que j'étais un peu inquiet parce que, eh bien, le marché du travail, il risque de se dégrader dans les mois qui viennent. On voit bien que l'activité en France est en train de ralentir, que beaucoup d'entreprises sont en train de fermer ou de mettre leurs salariés au chômage partiel, comme par exemple William Sorin ou divers boulangers ou diverses entreprises qui n'arrivent plus à absorber les augmentations de prix de l'énergie ou de prix des matières premières. Donc, puisque ces entreprises ferment, eh bien, on va avoir un chômage qui va augmenter. Et j'étais en train de dire comme ça à tous ceux qui étaient dans le bar que ça serait vraiment un problème si beaucoup de chômeurs risquaient de se retrouver comme ça avec 25% de droits au chômage en moins, alors qu'on était dans une période où le chômage allait probablement augmenter. À ce moment-là, Paul, que vous connaissez tous, Pôle emploi, m'a dit que non, qu'a priori, les règles du chômage pouvaient changer. En fait, si le chômage augmente de nouveau, eh bien, automatiquement, la durée d'indemnisation va augmenter. Ce qui devrait éviter de se retrouver face à une catastrophe, un chômage qui monte et en même temps une durée d'indemnisation qui baisse. Eh oui, parce que si le chômage monte alors que la durée d'indemnisation baisse, eh bien, vous allez vous retrouver avec un maximum de SDF. C'est pas qu'ils n'auront pas traversé la rue pour trouver un emploi, c'est qu'ils auront traversé l'emploi pour se retrouver à la rue. Bref, la solution me semblait un peu compliquée. Mais on ne s'arrêtera pas là avec le chômage. Le gouvernement a donné une mission aux partenaires sociaux. Il leur a écrit une lettre dans laquelle il leur demande de renégocier les conditions du chômage. En fait, le gouvernement veut reclarifier le rôle de chacun, le rôle de l'État et ses responsabilités, celui des partenaires sociaux et leurs responsabilités dans le chômage. Et il veut que ces partenaires sociaux renégocient un nouvel accord pour 2024. Bref, la réforme du chômage, elle risque de faire sérieusement mal aux chômeurs là actuellement et ça risque encore de se dégrader en 2024. Et j'espère vraiment que ça contribuera à aller vers le plein emploi. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'effectivement, en réformant le chômage, en réduisant la période d'indemnité, vous pensez que l'on va inciter davantage les gens à retrouver un emploi, qu'on va davantage aller vers le plein emploi? Dites-le-moi dans les commentaires. Alors, certains vont me demander ce qui est arrivé à Gérard. Eh ben, Gérard, au bout de quelques bières, il m'a avoué qu'il ne voulait pas retrouver un emploi salarié. Lui, il veut devenir restaurateur. Il a une idée de restaurant qu'il appellerait Maqueux Mickey. Je lui ai fait remarquer que ça avait peu de chances de réussir avec un nom pareil. Mais il m'a dit qu'il avait déjà un concurrent qui marchait très bien, Maqueux Donald. Quoi qu'il en soit, donc, Gérard est plein de projets. Et le dicton du jour, au lieu de reculer l'âge de départ à la retraite, faudra avancer celui de trouver un boulot.